années passent et je n'ai pas trouvé ma place. Et je me sens, je l'avoue, je crois que je suis à bout. Je fermerai les yeux pour mieux oublier. Je garderai mon espérance avec si peu. Et je prie le bon Dieu pour que tu m'aimes encore. Et le temps perdu par trop de malentendus, par ce trop de silence, je perds un amour immense. Je fermerai les yeux. Garderai mon espérance avec si peu de regrets. Peu importe mes chances ou le temps, je continuerai au moins à faire. Moi qui demain sera là, je n'ai rien d'autre à faire car tout me ramène à toi. Mais c'est un autre que moi qui demain sera là. Je n'ai rien d'autre à faire car tout me ramène à toi.